argile taillée dans la lumière, de fer et d'eau si l'on veut. Fermer les yeux et les paupières, on ne peut que ce que l'on peut. S'il faut attendre que tourne la chance, pensant qu'hier c'était mieux. S'il faut attendre que ce monde change, on sera vite devenu vieux. Dans nos têtes, sauve qui veut. S'il faut attendre que tourne la chance, pensant qu'hier c'était mieux. S'il faut attendre que ce monde change, on sera vite devenu vieux. Je rirai comme si de rien.